Quatrième partie, l'aurore. Le blême peuple était dans les caves, épars. À quoi bon résister? Pas un homme au rempart. Les portes de la ville étaient grandes ouvertes. Ces bêtes, à demi divines, sont couvertes d'une telle épouvante et d'un doute si noir. Leur antre est un si morne et si puissant manoir qu'il est décidément presque impie et peu sage quand il leur plaît d'errer, d'être sur leur passage. Vers le palais, chargé d'un dôme d'or massif, le lion, appalant, s'acheminait, pensif, encore tout hérissé des flèches dédaignées. Une écorce de chêne a des coups de cognée, mais l'arbre n'en meurt pas. Et, sans voir un archer, grave, il continuait d'aller et de marcher. Et le peuple tremblait, laissant la bête seule. Le lion avançait, tranquille, et dans sa gueule effroyable, il avait l'enfant, évanoui. Un petit prince, est-il un petit homme? Oui, et la sainte pitié pleurait dans les ténèbres. Le doux captif, livide entre ses crocs funèbres, était des deux côtés de la gueule, pendant. Pâle, mais n'avait pas encore un coup de dent. Et, cette proie, étant un baillon dans sa bouche, le lion ne pouvait rugir, en eût farouche pour un monstre. Et son calme était très furieux. Son silence augmentait la flamme de ses yeux. Aucun arc ne brillait dans aucune embrasure. Peut-être craignait-on qu'une flèche peu sûre, tremblante, mal lancée au monstre triomphant, ne manquât le lion et ne tuât l'enfant.